toujours serré à ma belle. On a fini quoi mais la noche ouana, la prima la paya. Je m'en doute, je me kera, allez, je vous laisse la bonne idée.